Ouais. Restez calme les gars, y'a fausse alerte. Ça va tant qu'il y a, ça va finir dans la merde. La peine paralyse, et je reste inerte. J'ai envie de tout claquer, j'en ai marre de cette vie de merde. Je traîne ce loup en bande, je t'insulte ta mère. Tu me punes que de poisson, c'est que tu me déclares la guerre. C'est pour mes franges. Cracher l'engin, tout le temps avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. La wedge dépilée, je passe très rapide. D'une batte tu es équipé, tu veux que laisse-toi guider. J'ai pas le time pour toi, tu m'as pompé l'air. J'dis rien, j'ai rien, mais j'fais comme pour tenir. Lâche-toi sur moi, si ça fait zizir. J'ai un dégât pour toi, je ferai pas nécessaire. J'ai un dégât pour toi, je ferai pas nécessaire. J'ai un dégât pour toi, je ferai pas nécessaire. J'ai un dégât pour toi, je ferai pas nécessaire. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. Avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. Avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin, tout le temps avec le machin. C'est pour mes frangins qui font cracher l'engin.